Mais enfin, Roger, qu'y a-t-il? Ne faites pas le mystérieux avec moi. Le personnage que Hulot nommait Roger regarda Hulot, lui prit la main, la lui serra. Nous sommes de trop vieux amis pour que je ne vous donne pas un avis. Si vous voulez rester, il faudrait vous faire votre lit de repos vous-même. Ainsi, dans votre position, au lieu de demander au maréchal la place de Monsieur Coquet pour Monsieur Marneff, je le prierai d'user de son influence pour me réserver le Conseil d'État en service ordinaire, où je mourrai tranquille. Et, comme le castor, j'abandonnerai ma direction générale aux chasseurs. Comment, le maréchal oublierait ? Mon vieux, le maréchal vous a si bien défendu en plein Conseil des ministres qu'on ne songe plus à vous dégommer, mais il en a été question. Ainsi, ne donnez pas de prétexte. Je ne veux pas vous en dire davantage. En ce moment, vous pouvez faire vos conditions, être conseiller d'État et pair de France. Si vous attendez trop, si vous donnez prise sur vous, je ne réponds de rien. Dois-je voyager ? Attendez, je verrai le maréchal, répondit Hulot, et j'enverrai mon frère sonder le terrain près du patron.